tu faisais la c'était la je, c'était la base de Bela Lugosi. Non. C'est ça que tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Ah non, c'était pas ça. Son contre-temps. C'est pas un truc pour massage, hein. Ouais, je sais. Ah. C'est pour faire des abdos, ça, non? Ouais. Tu l'attrapes, tu mets sur les genoux et tu roules. Là. Tu devrais le faire plus souvent, ça va vraiment bien. Thank you. reste-t-il à faire? Waouh! Oh, c'est un... Il a deux octaves, génial!